Section 119 de La Lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 2e. Section 119 Pour le drapeau, par François Copé de l'Académie française. Tu vis dans tous les cœurs, amour de la patrie. Après 48, au fond de l'Algérie, en plein désert, devant les gorges de l'Atlas, des insurgés de juin, des coupables, hélas, mais des Français, courbés sur un labeur servile, expiaient les malheurs de la guerre civile, gardés par des soldats, par des Français comme eux. Et là, tous, l'orateur de club jadis fameux, l'envieux déclassé, l'utopiste sincère, l'honnête travailleur gâté par la misère, tous braves gens trompés ou sinistres voyous, ils remuaient la terre et cassaient des cailloux. Ce lieu farouche était bien choisi pour un bagne. D'un côté le désert, de l'autre la montagne. Ça et là seulement quelques dattiers poudreux et brûlantes prisons qui sur ces malheureux, gardiens et prisonniers, la nuit devaient se clore. Un blockhouse sur lequel le drapeau tricolore se déroulait au vent dans l'azur infini. Ce fort, assez peu sûr, mais pourtant bien garni de riz et de biscuits, d'armes et de cartouches, avec ses deux canons montrant leur sombre bouche, dressait sur l'horizon son profil menaçant. Les soldats étaient 30 et les déportés 100. Un jour, à l'heure où l'aube, en déchirant ses voiles, fait taire les lions et pâlir les étoiles, et comme les soldats allaient, fusils chargés, conduire à leur travail les anciens insurgés, tout à coup, s'élançant des ravins les plus proches, blancs fantômes surgissent au loin parmi les roches, en longs burnous, montés sur leurs fins chevaux gris, et jetant leurs fusils en l'air avec des cris, où se mêle le nom de leur dieu qu'ils adjurent, les bédouins du désert de tous côtés parurent. Deux tribus, qui semblaient depuis longtemps dormir, venait de relever l'étendard de l'émir et voulait de nouveau faire parler la poudre. Ainsi qu'un gros nuage à court, chargé de foudre, il venait, soulevant un flot de sable ardent. Le commandant du fort, un brave cependant, soldat péniblement devenu capitaine, avait pâli devant cette attaque soudaine. Le vieux troupier perdait la tête absolument. Comment faire? Il avait 30 hommes seulement pour défendre les murs de sa faible redoute. Et quant aux condamnés politiques, sans doute, à s'enfuir, ils n'allaient pas être les derniers. À ce moment, sorti des rangs des prisonniers, l'un d'eux, qu'on avait vu parler dans le tumulte, à ses amis, de l'air d'un homme qui consulte, un grand gaillard portant, sur ses traits amaigris, la trace de 20 ans de misère à Paris, et dont les yeux profonds, sous leurs sombres arcades, conservaient un reflet du feu des barricades, s'approcha lentement du vieil Algérien et dit avec le ton traînant du faubourien « Mon capitaine, on vient vous dire que nous sommes, sans condamnés, c'est vrai, sans forçats, mais sans hommes, tous du faubourg Antoine et tous gars bien choisis. Nous savons que le fort est bondé de fusils. Sur tous ces moricauds, si vous voulez qu'on cogne, armez-nous donc. Après avoir fait la besogne, on rendra les outils, ma parole d'honneur. » Vous ne me faites pas l'effet d'un chicaneur. Vous aurez confiance en nous, on en est digne. Et vous nous laisserez marcher avec la ligne. Prêtez-nous les fusils et nous sommes sauvés. La loque qui flottait sur nos tas de pavés n'était pas après tout le vrai drapeau de France, et le rouge n'est bon qu'en pantalon garance. Voyons, mon capitaine, est-ce dit ? L'officier, trop ému pour répondre et pour remercier, fit donner sur le champ au bagne rendu libre de bons fusils avec des balles de calibre. Il était temps. 300 Arabes étaient là, galopant tout autour du fort, criant « Allah !» et tiraillaient déjà sur ses minces murailles. Soudain, les deux canons vomirent leur mitraille, qui firent reculer l'insolent tourbillon. Puis sortant du blockhouse, un hardi bataillon où des soldats marchaient auprès de gens en blouse et chaussés de sabots comme en 92, vint se mettre en bataille et commença le feu. Le combat fut sanglant et vif, mais dura peu. Les Bédouins qui croyaient surprendre un faible poste, devant tous ces Français si prompts à la riposte, tentèrent bien, mettant tous les sabres au vent, deux charges qu'on reçut baïonnette en avant. Mais leur chec y périt, et la bande affolée, comme un vol de corbeaux reprenant sa volée, tourna bride et bientôt dans l'Atlas se perdit. Alors les condamnés, ainsi qu'ils l'avaient dit, tinrent loyalement la parole jurée, rentrèrent dans le fort en colonne serrée, sans hésitation ils mirent en faisceau devant le commandant leurs fusils encore chauds, et le vieil officier, contenant mal ses larmes, à ces soldats d'un jour qui déposaient leurs armes, étreignaient les deux mains à leur rougir la peau, et disaient rudement « Merci pour le drapeau ». Fin de la section 119.